Charlie, nourrisson, débarqua d'un berceau qui voguait, abandonné à un ruisseau. Pour ses premiers pas, quel étrange gamin, pas moyen de lui prendre la main. Si vous voyez un stoppeur monter à bord d'un tracteur, d'une ambulance ou bien d'un corbillard, c'est Charlie le routard. Charlie, à l'école, ne tenait pas en place, hormis en géo, le nez dans un atlas. À l'armée, bien sûr, il n'eut jamais assez, ni de camp, ni de marche forcée. Qui peut vous taper 100 balles pour se barrer au Népal, pour retrouver un pote à Zanzibar? C'est Charlie le routard. Charlie rêve d'arroser sa nuit de noces à la belle étoile dans un coin de l'Écosse. Son vœu le plus cher est de se réveiller les bottes de cet lieu à ses pieds. À moitié déshydraté, qui peut se mettre à chanter? Jolie bouteille en grattant sa guitare, c'est Charlie le routard. Charlie court après le Pérou, il ne craint ni les corps aux pieds, ni les grèves de train. Et même s'il échoue, il a pris les devants, on jettera ses cendres au vent, qui sèmera dans les nuages l'envie de plier bagage, de changer d'air, de larguer les amarres. C'est Charlie le routard. Qui sèmera dans les nuages l'envie de plier bagages, de changer d'air, de larguer les amarres. C'est Charlie le routard.